Glock, c'est gavé de conne, don't give a fuck. Wesh la meilleure lock, je ramène l'offre. Je repars, fils à gamelle propre. C'est la east side, j'ai la stock. Tout est la stock en triplex size. A chaque training, je finis le sac. J'envoie des cornets de patates, orteil ganache. Le rap est remords, je portais le cadavre. Juste une calotte, je finis le travail propre. Dans le derche comme panacloc. Dans le derche comme panacloc. Je finis le travail propre. Je finis le travail propre. Dans le derche comme panacloc. Je finis le travail propre. Dans le derche comme panacloc. J'suis venu repousser mes limites. J'suis venu repousser mes limites. T'as l'air à bout comme un prof de Zeb. Tu peux repasser vers minuit, et ben oui. J'finis le 16 quand les keufs me cernent. On a grandi, on connaît la ville. Les enfants des rip neuf du bandit qui peuvent t'enlever la vie, les yeux bandés. On n'est plus dans un film, hey. J'm'adapte, j'analyse, hey. J'côtoie toute la liste, les gens riches qui s'enlisent, on est blacklisté. On est libre, on s'enregistre, tu peux pas me niquer. J'connais la suite, noir. J'ai compris car j'ai vu 4 cartouches, un zifu. Finir un film dans des histoires de rue, pas le temps de donner la vie. Donner la mienne, ouais. J'fais le décompte, c'est la merde, ouais. La pendule est passée, j'ai rien gagné, donc plus rien à perdre, t'sais. J'écris des rimes, c'est des pavés. Tout ce qu'ils m'ont dit, c'était pas vrai. J'sais plus ce qui m'arrive, j'ai suivi le rythme et j'ai rappé. Plus d'une fois voulu me barrer, oui. Mais j'ai narré nos vies, ça te fait marrer. J'suis catégorique, c'est maladie, j'peux plus me soigner. Le G Pro est carré, je n'ai s'égaré. L'histoire dans un fichier zip. J'en ai plus rien à carrer, j'ai plus aucun rêve. Loin de vos carrés VIP. Puriste, virus, on distribue. La 25ème, on pull up ça directement, tu vois ce que je veux dire. Puriste, virus, on distribue. C'est le temps additionnel, il est minuit. Les 10 dernières minutes. C'est la spéciale puriste. Oui! Yo, yo, yo. J'ai repoussé mes limites. Décuplé ma soeur fort comme un super saiyan. Brinks, Brinks. T'es du père, ça y est. C'est fini. Décuplé ma soeur fort comme un super saiyan. T'es du père, ça y est, c'est fini. T'es ma tous ces wax sur ma vulgaire Nike, ils sont mimi. J'ai de quoi les grailler dans un vulgaire cahier. S'il y a plus d'herbe, je taille ou à la vue des douaniers. Pour que ma plume pèse grave, on a dû s'éloigner. J'ai atteint le dernier dan, tout je peux en témoigner. Plus peuvent en dire autant. Kicker des prods piratés. J'fume la PPF si autant. Jack la pupille dilatée. J'ai vidé la tête, fait des débilités. J'défie tes militants, défait d'humilité. J'préfère t'humilier que le 9mm. Car mon seum s'immisce dans la moindre futilité. Ils m'ont fui trop longtemps. Bon gars, affronter l'État. C'est l'affronter l'État qu'on met affronter des gars. Ils préfèrent monter des plans que raconter des blagues. Je fais que monter des marches. Viser la mise, la pyramide. C'est la banane pire au monde. Son putain de sommet se détache. Le putain de monnaie cash. Le bulletin le compte épargne. Coûter la compte sur ce qu'on prépare. Au fond j'irai juste d'un second départ. Je veux pas que mon blas soit ce qu'on départ. Une foule en liesse qui m'idolâtre. Je rafale en veste par rire jaunâtre. Deux secondaires part au son des balles. Bang. Virus dans les bagues. On a peur de la vie, de ses conséquences. Ces temps-ci, on entend bien trop de doléances. Dans les rangs, on a plus tolérance. Non, je peux pas rester dans les rangs. Comme rester bloqué devant l'écran. J'ai ma vie entre les mains, yeah. Donc faut que je mette les gants. Faut que le reste, j'ai besoin de vie. Faut que le reste, j'ai besoin de liquide. Je trouve plus d'énergie ici. Faut que je passe, faut que je vive. Faut que le reste, j'ai besoin de vivre. Désormais j'essaie de l'éviter. Je sais pas si je l'ai mérité. Peut-être je suis loin de la vérité. Mon cœur a besoin de vérité. Chérie, j'ai mal et j'ai dérivé. Je reste froid, ouais, pour mes rivaux. Besoin que de mecs comme Meriton. Oh wow. Je suis terrifié à l'idée de me perdre. Je profite de ceux qui me restent. J'estime que ceux qui me respectent. Tant pis pour ceux qui me détestent. Je suis ma voix et je laisse faire. Je suis ma voix et je laisse faire. Face à l'immensité, moi j'ai si peur. Parfois trop. Faut que le reste j'ai besoin de vivre. Faut que le reste j'ai besoin de liquide. Je ne trouve plus d'énergie ici. Faut que je parte, faut que je vive. Faut que le reste j'ai besoin de liquide. Je ne trouve plus d'énergie ici. Faut que je parte, faut que je vive. Virus dans les bas, ah ah. Yeah, hey, man. Oh, virus dans les bas, ah ah. Bang, bang. Pour le bizarre, mon ref. On va switcher sur du YB, le poteau. Y'a le grand frérot de YB qui est là. On va switcher gros sur du YB. Gros big up à YB. Il est minuit 04. Puriste, big up à vous les gars. On continue, celui qui veut kicker, il prend le virus. Le virus se propage. C'est comme à la maison ici. Et big up à YB au passage. Bang, bang, bang. Yo est chaud, il arrive en courant. Je nettoie mes saloperies, frère. J'ai mis plein de whisky partout. Ok, passez de temps, non. Passez de temps. On est dans les money time. Passez de temps, non. Passez de temps. Non. Je peux reprendre ça ? Puris virus, on distribue. Puris virus, on distribue. Puris virus, on distribue. On distribue. Puris virus, on distribue. On distribue. Oui, oui. Ok. Ok. Pas assez de temps pour faire le vent des globes. Mon rap il me sort du beat comme un ventriloque. N'attends pas d'antidote. Je viens salir l'antipop avec l'accent de l'ivrogne. Collé par la brigade anti-drogue. Envie de mort pour une cave remplie d'or. Pas de titane dans mes anticorps. On m'achourave mon reste de love en niquant l'antivol. Pour m'en sortir, je n'attends personne. En danger de mort pendant que t'attends les ordres. Près du four, alors Satan rigole. Avant de parler mal, Bolo, Satan, tu m'isoles. J'aimerais bien me voir devant un champ de pirogue. Oui. Mais dans mes projets, y'a comme un vent de discorde. Arrêtez les courbettes, je suis pas un gentilhomme. Avec un échantillon de zep, je te fais un bank. On a troqué nos sirops de fraises contre de la vodka pomme. Mais fuis-toi en bloc ta porte, kick Sarko et vodka bonne. Je suis pas de ces mécréants qui votent Sharon. Je m'appelle Arnaud, mais je mange pas de porc salope. Dans les allées où je traîne, ça sent la mort. Avant l'âge d'or, cousin, ça vend la drogue. J'ai des têtes qui te mettent au sol, balrog. Touche à ma soeur, je te bute à ma parole, sale vieux. Puriste. Hey. EDRF, puriste. SLF crew. Hey. Pour les refs. Puriste disponible. Hey. Yeah. On a grandi sur le bitume, moi t'es sauté des palaces de la belle F et des boy scouts. J'ai saigné ton père derrière Max, tu sais pas tout ce qu'on aurait donné pour un beau scout. 15 ans sur mes plus la nuit, les Yankees qui pétaient les plombs. J'ai pris les rênes de ma vie, je suis le capitaine du navire. Mais y'a des bêtes qu'il faut que j'épouse. Je suis ceux qui partent en bas, on avance au parlement de bas. J'ai peu d'amour, ma belle m'attend en bas. Pas besoin de concert pour qu'on parte en live. Je rêvais de me barrer d'ici, moi, insomniaque. Les voisins criaient toute la note, yeah. J'ai perdu mon calme, j'ai pété des cases. Et y'avait personne pour les coachs, yeah. Je remercie la musique, du mal à me livrer ce qu'on vivait. On le mettait sur la feuille. On a pris tellement de recal devant les concerts. Maintenant c'est dans les loges qu'on m'accueille. On veut du Wally, gros. Sur moi tu paries, gros. Tu veux faire la guerre mais tu paries, gros. Je suis côté même sans être pari, gros. Fils de putain. Bang. Eh, yo. Virus, je compte pas casser la vitre. Non. Je compte pas casser la vitre. Eh, yo. Je compte pas casser la vitre. Arrivé par la porte. 4 camas, 1 litre. Un tchat mitraille la prod. Je fume par la suite. Je me fie à la. J'compte pas casser la vitre, arrivé par la porte. 4 camas, 1 litre, rien que ça mitraille la prod. J'file par la suite, pris à la gorge. T'as parasite qui gravite à ma botte. Si j't'invite à ma table, c'est qu'elle biffe à ma gauche. La mif à ma droite, bug d'archi dans la poche. La grippe à la gloire, assise par la glotte. Dire de garder l'espoir. Soigner les plaies au centre. On switch. Si j'm'invite, remets la prod. On switch. On reste jamais sur un. On balance la prod directement. Balance une prod. Minuit 8, on est dans le money time. J'compte pas casser la vitre, arriver par la porte. 4 camas, 1 litre, ça mitraille la prod. Banks. Puriste. J'compte pas casser la vitre, arriver par la porte. 4 camas, 1 litre, ça mitraille la prod. J'file par la suite, pris à la gorge. Vois un tas de parasites qui gravitent à ma botte. Si j't'invite à ma table, c'est qu'elle biffe à ma gauche. La mif à ma droite, bloc d'archi dans la poche. La grippe à la gloire, assise par la glotte. Gardez l'espoir, j'compte s'éloigner les proches. On sait soigner les plaies, autant gratter des coches. Rater, j'décroche, faut que. C'est moche, devant casque et bélier, t'as ce j'y suis saigné, tire à dire à tes mioches, on a big craft des meufs, jouer les pirates des mers, big vras des gueux. Banks, c'est une catastrophe, le couplet, Banks. Vas-y, balance autre chose. Y'a R. Ça va reprendre ça, t'inquiète pas. J'ai aucun backer, ils sont tous partis fumer, ces salopards, on les assiste dans tous leurs couplets. Les derniers, qui sont les derniers? Ici c'est le 2-5, des coureurs qui crament et des petits qui descendent. Il faut du papier pas su pour les dessins. Nouvelle année, nous on attend pas décembre. Je vais te faire un film sur la tête de Besson. Je te baisse ta mère si elle enlève mon caleçon. Y'a des armes de guerre mais personne de la légion. Une journée sans problème, ici c'est une légende. Légendaire comme 23 des Bulls ou CR7. Y'en a qui prient pour éviter la CR. RS3 ou Golf 7R. On est 666 fois sur les nerfs. Pour bien se conduire, on attend pas de mi-père. Un petit qui est du père, pas d'éducation du père. L'agent fait pas le bonheur, chez nous le bonheur c'est de la merde. La rue a pris une partie de notre jeunesse. Je regardais le ciel puis la fenêtre. N'était des crèmes pour être honnête. Mais quand y'a les keufs on fait bellec. Se faire contrôler devant les voisins. J'avais rien à voir, j'étais gamin. Une forme bleue, pas de câlin. Avec le temps je deviens malin. Maman m'a élevé seul, je l'aidais à faire la vaisselle. Papa est parti vivre dans les îles. Et je pense à lui quand je m'isole. Hey, souvenir intact dans ma tête. Devant le téléphone j'attends l'appel. Hey, cicatrice indélébile. Mais si elle m'entend elle est belle. Hey, je crois toute ma vie derrière l'antipop. A chaque fois que je me livre, tout mon texte je me relis. Je me dis que j'en dis trop. J'ai du mal à rigoler sans picole. Je repense à nos souvenirs d'enfance. Au fond de moi-même y'a un enfant qui dort. Toujours au bon côté pourvu que ça dure. Je sens le faussaire qui sature. Quand je vois les petits qui disent la pure. Ouais. On entasse soucis dans nos vies d'adultes. L'état français nous pique la thune. Pour m'en sortir j'ai pris ma plume. Auréole absorbée par la capuche. Irée la gorge et soigne ma capoche. On t'amoche si tu viens faire grabuge. Les témoins t'accusent, tu mérites la taloche. Évite la galoche car elle a trop paluche. Un très gros paluchon de videuse de baloche. Vicieuse et pas moche sur ta blanche fais de la luge. Et te fais viser sa lune à quatre pattes dans la loge. Loge, logique on les écrase, on les mécrase entre les. J'rappe sous extraction de pollen. Pas besoin d'estrade on te moleste. On dégrade on proteste. On fait le taf on progresse. On fait grave on connaît. Ça fait croire qu'on dormait. Avancer les projets en sous-marin. Tout ce qu'on a concocté à l'écart de mon côté. Avant que t'es les crocs mets dans le four gamin. Banks, banks, puriste. Virus, virus, virus, puriste, virus. J'envoie la dernière ou quoi? Puriste, virus, virus, virus. Je sais pas ce que c'est, mais je l'envoie. Puriste, virus, puriste, virus, puriste, virus. Banks, banks. C'est la dernière. Ah. Chiche. EDRF, EDRF, gore. Serkan. Prends. Ben Banks. Vas-y, je teste un petit truc. Ah, ah, ah, ah. Il manque les que vous votez dans le rétro. Ça baisse ta sorcière là de belle forme. On est jeune, hyper, hyper fort. Mon pote peut gérer ta meuf dans un match de pierre-pong. T'es pas la mafia, dans ton équipe je vogue des chiffres molles. Pourquoi tu rigoles hein? On peut te rayer de la liste avec tes bitcoins. Merde, Black mes rimes sur le beat, débarque mec surprise. J'agrandis pupille comme ecstasy. Bolo, je te calme comme la kétamine. Check ma rime, la tienne en état de léthargie. Je m'étale comme une S, je tout comme une ex. Partage communiste pour ma communauté. Je débarque comme une OD, comme un ovni. J'finirai ma vie, ouais, comme un homme libre. On a dit que t'es le meilleur mec quand t'as menti. C'est comme trop parler, mec, mon talent tue. Waouh, mon talent rue, ma preuve. J'ai ma curiosité et ma plume. Des tas de choses, j'élabore. Complète, je suis de nature. Mon talent rue, ma preuve. J'ai ma curiosité et ma plume. Des tas de choses, j'élabore. Mais complète, je suis de nature. T'es ma mon équipe, pas trop squat et but, tu me la renonce à tous donner un cœur de pierre. J'aurai devant mes proches que je réussirai, je tiens mes promesses, donc maintenant je ne peux que le faire. Fermez-la, fermez-la, fermez-la. Je crois vraiment que je rêve du cul à Pamela. Moi, j'ai tout plié sur scène. Et quand on les appelle, il faut se dire qu'ils sont jamais là. Bande de lâches, c'est vos artistes. Mais nous sachez qu'on fera pas la même, pas la même. Dès votre équipe, y'a très peu de fierté. Et je n'irai pas, c'est pour ça que je m'en ramène. J'ai tout donné, tout donné. Je serais pas là si j'avais pas rendu les coups. On faisait que boire les soirs, on était sous les tout. Besoin de liberté dans ma chambre, je suis comme sous des coups. En rond. Et y'a que sur scène que je me sens à ma place. M'en fous d'être reconnu, je m'en fous du million de vues. Tant que je suis fier dans ma glace. J'ai compris que me fier à la raison me causerait du tort. Croire en l'avenir, je suis pareil, moi ça me fait plus peur. Depuis que j'ai vu que le passé nous rentrait plus fort. J'avoue que j'en ai fait un tas d'efforts. Dans ce monde me rendait plus molle. Tout part en couille, elles pensent qu'à leur forme. Maintenant les reines des soins devenaient reines du bois. J'arrive comme une balle. Dans le fond, je m'en fous qu'ils soient préparés. Faudra de la folie pour toucher le sommet. Alors j'assume que les autres disent que je suis taré. SLF, écoute, je suis déter depuis le collège. En mission, pas besoin de collègues. Rafale de sperme sur leurs dents juste pour les faire coller. Salope, tu fermes à ta gueule, c'est fini les conneries. C'est moi qui prends les rênes, du beau jour au nouveau king. C'est violent comme un caton dans ton cul. Je gratte des 16, j'attends pas la concu. Je regrette pas le passé, je suis dans le futur. Non. Dis-moi, petit con, t'aimes la vie à mort ou tu meurs à vie? Nous, on est meurs vivants, dans la ville, ça viscère des zombies. Aïe, aïe, aïe, aïe. Je suis désolé, mon gars, la prothèse, elle s'est coupée toute seule. T'inquiète, il y en aura encore et encore. Je suis désolé, les gars, il est minuit 14. Est-ce que je te fais un petit pull-up, tu finis au moins ton couplet? Non, tranquille, c'est pas grave. Allez, vas-y, il a l'air chaud, vas-y, il a l'air chaud. Je te fais un petit pull-up. Ok. Pas du boom bap. Je t'envoie une petite prod. Parce qu'on coupe pas un couplet comme ça, c'est pas comme ça chez nous. Tu finis ton couplet. Écoute. T'inquiète. La 25e, il est minuit 14. Écoute. La spéciale puriste ce soir. Chaud. On finit le freestyle. Et venez nous voir, on est là, rue d'Arène, tu connais. Chiche. J'suis déter depuis le collège. En mission, pas besoin de collègues. Rafale de sperme sur leurs dents juste pour les faire coller. Salope, tu fermes à ta gueule, c'est fini les conneries. C'est moi qui prends les rênes, du beau jour nouveau king. C'est violent comme un catan dans ton cul. J'gratte des 16, j'attends pas la concu. J'regarde pas le passé, j'suis dans le futur. Dis-moi petit con, t'aimes la vie à mort ou tu meurs à vie, hein? Nous on est morts vivants, dans la ville ça viscère des zombies. Hey, hey, hey. Bloqué dans un trois rage, j'attends une montre. La loyauté s'est perdue et moi j'persiste. Confiance en équipe, j'encule ces petites putes. Parle sur nous, ça nous fait de la pub. Hey, garde-toi sur le côté, y'a le démon qui se réveille. Je réveille. Hey, garde-toi sur le côté, y'a le démon qui se réveille. Je vois la lune couleur pureté, mais je vois en or le soleil. C'est l'ouragan du 25, toujours pas de patek au poignet. On paye pas la dot, on arrive chez ton daron, braquage de douanier. Ah. Tu crois pas que je rêverais de me barrer d'ici? Et les tasses plaquonnées, le sang glacé. Marre d'entendre écrire à 3h du mat quand les coups des débarquent pour calmer le voisin qui prend le lacet. Mais Dieu merci, j'ai mes projets. Et toute mon équipe qui est là pour y croire. Nique tes followers, co-serre avec Josman. Tous ceux qui me soutiennent étaient là pour m'y voir. Fais grimper le thermostat star comme Chao. T'inquiète, ici les gars sont sérieux. Ils nous ferment les portes au casser serrures. Le taf est propre et faire du sale pareil que c'est mieux. Je vous emmerde, vos critiques ne mèneront nulle part. Je préfère rester moi-même plutôt que d'opérer comme la plupart. Tu sais pas d'où je viens, à 6 mois les poumons noirs c'est par les usines en face de chez moi. Je suis parti d'en bas, je lutterai pour le top, mentalité HLM, y'a pas d'autre chez moi. A 200 Mathéo passe à 6ème, Vezac se branle, ça fait pas tant de route. J'ai qui sont mes frères, je sais qui sont les vrais, mais plus le temps passe et je vois que les certitudes partent en doute. Je goûte la passion, mais mon cœur est froid, y'a peu de choses à faire. Si t'aimes le luxe et que t'aimes l'argent, bébé toi et moi, ça fera pas l'affaire. Non, non, non. Je pense à Lio qui m'a dit fais confiance à personne car tout est faussé. T'inquiète frérot, j'avance qu'avec les vrais, je compte bien laisser mes traces en même temps que je vais les effacer. Ok, ce soir on était tous sur Radio Sud. Avec Purista, avec Méga, tout méga sûr. Tu nous connais sans un point, retiens un zut point net. C'est comme ça que ça se passe ce soir, on arrive que des types pas nets. Tu peux nous écouter sur la bande FM. Tu peux nous écouter partout sur internet. C'est comme ça que ça se passe, ça vient de Planoise. J'arrive, j'arrive direct ce soir, moi je mets les gaz. Il est minuit 17, faudrait que je rende l'antenne. Mais je me dis putain de merde, ce soir je suis avec les Ray. Merde. Peut-être qu'on va se retrouver devant péter la taille. Oh yeah. Ce soir tous les auditeurs ont pris pour leurs oreilles. Ah oui, ah oui. On est là dans la 25e. On est là dans la 25e. On est là dans la 25e. Il reste 45 secondes. Celui qui veut prendre, il les prend. Elles sont pour lui. Juste passer un gros big up aux refs puristes. Tu connais, Besançon puriste. Les refs ont tué ça, virus est disponible. Si t'as pas cliqué, t'es une merde. Big up à tous. Et quel virus t'emporte. Chiche. Minuit 18 dans la 25ème. Radio Sud 101.8. Radiosud.net, c'était l'émission spéciale puriste. On a fait un petit peu de rap ce soir, il y avait du monde avec nous. Donc merci à toute l'équipe puriste. M. S2, Lio, Rizzo, Wasta qui est venu, tous ceux qui sont passés dans l'émission ce soir, tous ceux qui nous écoutent partout, partout, que ce soit sur internet, que ce soit sur la bande FM, dans les voitures, tout ça, tout ça. Merci. Là, il y a Sam qui est devant moi, donc je big up aussi le poteau Wayby. Merci mon gars, j'ai kiffé kicker sur tes prods et faire kicker les gens. Donc, vous pourrez nous retrouver tous les jeudis soirs de 22h à minuit. Sur 101.8 radiosud.net, vous pouvez retrouver évidemment l'album des Puristes sur Spotify, des Puristes sur Spotify, sur Apple Music, sur Deezer, toutes ces sortes de trucs de streaming, t'entends. C'est disponible depuis le 20 décembre, c'est un 15 titres, c'est un album. Donc n'hésitez pas à vous abonner, Instagram Purist Music, YouTube Purist, Facebook Puriste, et si vous voulez nous voir là tout de suite, vous venez rue d'Arène dans le secteur, on sera là et il n'y a pas de problème. S2, est-ce que tu as une dernière chose à nous dire avant de rendre l'antenne? Big up à tous les auditeurs, merci à toi pour l'invite. Yes. Bonne ambiance, on était bien comme à la maison. Voilà. Merci Chao, c'était allez génial. Allez checker le Scud, vous pouvez l'écouter gratos sur YouTube. N'hésitez pas à commander les Scud, ça y est, ils vont arriver très vite. Fais voilà. La cloche. Activons la cloche, allez écouter le projet de voilà, Chao. Voilà, suivez quoi. On est méga lourd. Et on espère à très bientôt sur scène, tu vois. Si, si. Voilà. Et Chao, à quand une émission où c'est toi l'invité? Parce que toi, t'as une émission, mais t'es jamais invité, du non. coup. Moi, je suis pas le genre de gars qui va m'auto-inviter. Mais vas-y, bah, mais, bien, allez, moi, allez checker bientôt, le projet. Non, mais la prochaine fois. Je vais faire une émission, mais ce sera pas ici. Allez checker le nouveau projet. Non, mais la projet prochaine de Chao, fois, moi, attends, je prends ta place, j'anime, et ouais, c'est toi qui es l'invité. On va faire ça avec Jounès, alors. Ah, mais attends, juste, tranquille. Allez checker le projet de Chao. Extrêmement lourd. Extrêmement lourd. Eh oui, le niveau est. Est très, très monté. Le niveau est très monté. Le niveau est très monté. Bah, d'ailleurs, la semaine prochaine, on accueille l'équipe de Datara, donc, okay, qui est derrière le projet de Yukuri et. Bah, big up pour ça, eux. Ils sont chauds, les salauds. Ils ont bien bossé. Donc, au plaisir de vous retrouver sur la bande FM, sur radiosud.net. Sur Instagram, émission La 25e, n'hésitez pas, sur le Snapchat, sur tout ce que vous voulez. Sur TF1, sur France 2. Sur TF1, sur BFM TV, sur la lune, pour sur ceux qui sont plutôt sombres. Mais en tout cas, n'hésitez pas à suivre sur Instagram Purist Music. N'hésitez pas à suivre des gens. À suivez-les, suivez-les dans la rue. Tous ces influenceurs voilà. Horribles. N'hésitez pas à suivre des maquilleuses. Surtout, si t'as Spotify, si t'as Deezer, tu tapes Purist voilà. Virus. N'hésitez pas à suivre des gens qui déballent des cadeaux en direct sur Internet. Voilà. Ça fait des millions de vues. Pour faire des millions de vues, il faut déballer des colis. Non, non. Et n'hésitez pas à suivre des gens dans la rue. Pour faire des millions de vues, il faut être sur la chaîne Puriste. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, voilà. 8 ans, 140 morceaux. Un million d'anciennes vues. C'est comme les anciens francs. Enfin, un million d'anciennes vues. Yes, on était dans la 25e. C'était lourd. Minuit 21, c'était la spéciale Puriste ce soir. Pour tous ceux qui veulent retrouver les podcasts et tout ça, vous nous envoyez un message. Soit je vous les envoie, soit je les mets en ligne. Il n'y a pas de problème. C'est Chao et Jounès je sais pas. On l'a pas vu, Jounès. Il était en mode fantôme. Je crois qu'il a été soudoyé ce soir. Je pense qu'il a eu peur. Il y a des mecs qui l'ont menotté dehors. Ouais. Voilà, on rend l'antenne. On espère vous retrouver aussi nombreux jeudi prochain sur radiosud.net 101.8 dans la 25e, 22h minuit. Et gros big up, merci à tous ceux qui nous écoutent de près ou de loin. Bezak, on est là, il n'y a pas de souci. Je vous laisse, je rends l'antenne, c'était Chao. Bye bye. Perfect.